Moine épique, de poèmes par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Moine épique. On eût dit qu'il sortait d'un désert de sommeil, ou face à face avec les gloires du soleil. Sur les pitons brûlés et les rochers austères, s'endort la majesté des lions solitaires. Ce moine était géant, sauvage et solennel. Son corps semblait bâti pour un œuvre éternelle. Son visage, planté de poils et de cheveux, dardait tout l'infini par les trous de ses yeux. 80 ans chargeaient ses épaules tannées, et son pas sonnait ferme à travers les années. Son dos monumental se carrait dans son froc, avec les angles lourds et farouches d'un roc. Ses pieds semblaient broyer des choses abattues, et ses mains agrippaient des socles de statues, comme si le Christ Dieu l'eût forgé tout en fer, pour écraser sous lui les rages de l'enfer. C'était un homme épris des époques d'épée, où l'on jetait sa vie au vers de l'épopée. Qui dans ce siècle flasque et dans ce temps bâtard, apôtre épouvantant de noir, venait trop tard? Qui n'avait pu, suivant l'abaissement, décroître, et même était trop grand pour tenir dans un cloître, et se noyer, le cœur dans le marais d'ennui, et la banalité des règles d'aujourd'hui. Il lui fallait le feu des grands sites sauvages, les rocs torsionnés de nocturnes ravages, le ciel torride, et le désert et l'air des monts, et les tentations en rue des vieux démons. Agaçant de leurs doigts la chair en fleur des gouges, et lui brûlant la lèvre avec de grands seins rouges, et lui bouchant les yeux avec des corps vermeils, comme les eaux des lacs avec l'or des soleils. On se l'imaginait au fond des solitudes, marmorisé dans la raideur des attitudes, l'esprit durci, le cœur blême de chasteté, et seul, et seul toujours avec l'immensité. On le voyait marcher au long des mers sonnantes, au long des bois rêveurs et des mares stagnantes, avec des gestes fous de voyants surhumains, et s'en venir ainsi vers le monde romain. N'ayant rien qu'une croix, taillée au cœur des chaînes, mais la bouche clamant les ruines prochaines, mais fixe les regards, mais énormes les yeux, barbare illuminé, qui vient tuer les dieux. Maintenant qu'il repose obscurément sans bière, dans quelque coin boueux et gras de cimetière, saccagé par les vers, pourri, dissous, séché, à voir le tertre énorme où son corps est couché. On rêve aux tueurs d'ours, abattus dans la chasse, à ces hommes d'un bloc de granit et de glace, que l'on n'enterrait point, mais dont les restes lourds sur un bûcher tendu de soie et de velours, dans le décor géant des forêts allumées, au fond des soirs, là-bas, s'en allait en fumée. Fin de Moine épique.